Eh bien, bonjour, devant les micros, nous avons Lolita Voisin. Bonjour. Bonjour, qui est donc directrice de l'École nationale supérieure de la nature et du paysage à Blois. C'est ça. Et qui accueille, c'est un établissement qui accueille à l'instant même les Inuits paysages. Oui, c'est ça. Donc voilà, peut-être que la question qu'on pourrait creuser également au paysage dans l'école et puis dans le titre, donc il y a déjà une passerelle, je dirais, logique, mais est-ce qu'on peut préciser un peu comment se sont tissés les liens entre FKL, le réseau, le Cresson, l'école du paysage? Oui, tout à fait. Alors, donc on est l'école de la nature et du paysage, et c'est vrai que la question du sonore n'est pas forcément immédiatement à l'intérieur du programme pédagogique, mais la question de l'écoute et de l'intérêt pour les autres, d'une manière générale, les autres humains, mais aussi les non-humains, on pourrait dire, elle est quand même au cœur du projet pédagogique de l'école. Et donc, en fait, on a commencé par rencontrer Giuseppe Furgheri, donc qui appartient à l'association FKL, qui est blésois, qui habite à Blois, et qui vient assister tous les mois aux discussions de la chocolaterie, qui sont nos conférences. Et puis, mois après mois, on a commencé effectivement à discuter, et il nous a présenté son association. Et moi-même, personnellement, donc j'ai un goût particulier pour la radio, que je pratique de manière, on va dire, amateur, avec une radio associative locale. Et donc, ben, très vite, on s'est trouvé des atomes crochus de ce point de vue-là, et il a imaginé que Blois pouvait peut-être accueillir l'un des symposiums que l'association FKL co-organise ou organise tous les ans. Et parallèlement à ça, moi, j'ai tout de suite associé un de mes collègues qui s'appelle Olivier Godin, qui est philosophe et qui, par ailleurs, connaissait le Cresson à travers les travaux sur les ambiances, notamment les ambiances urbaines. Et donc, bah, tout naturellement, on s'est dit que ouvrir cette idée d'un symposium commun, l'ouvrir avec le Cresson, nous semblait vraiment intéressant parce qu'en fait, on a, entre FKL, l'école du paysage et le Cresson, on a vraiment trois angles d'approche assez complémentaires. On ne connaît pas forcément les mêmes personnes, on n'a pas forcément les mêmes pratiques, mais on se rejoint, je crois, pour un intérêt commun pour la question du sonore. Et donc, on a été très heureux ensuite de travailler ensemble. Ce fut un travail de longue haleine, on peut le dire. En plus, Covidé. Voilà, ça a duré 2 ans. La première fois où on s'est vraiment rencontrés tous ensemble, c'était à l'automne 2019. Donc, ensuite, il y a eu des soucis, évidemment, liés au Covid. On a reporté une première fois le colloque. En plus, on s'était associé localement, donc à Blois, avec deux structures qui nous semblaient très importantes, la Fondation du Doute, qui est une collection d'art contemporain, et puis de Fluxus, tout à fait, et puis le conservatoire de musique. Et malheureusement, en ayant décalé le colloque cet automne, on a perdu la Fondation du Doute, qui est en travaux actuellement. Mais voilà, on a vraiment imaginé quelque chose qui croisait fondamentalement musique, science, art et environnement urbain, la question spatiale d'une manière générale. Et c'est très riche, ce genre de projet. Tout à fait. C'est ce qui fait qu'on peut rencontrer des architectes, des urbanistes, des artistes, des doctorants. C'est très intergénérationnel. Tout à fait. Donc, il y a la richesse de cette rencontre. Oui, et puis on est très heureux aussi d'accueillir des étudiants dans ce genre de rencontre parce qu'effectivement, on voit que dans le public qui est là, il y a des grands noms du sonore qui sont plutôt connus. Et puis, il y a aussi, donc, comme vous le dites, plein de personnes différentes, mais il y a aussi des étudiants d'école d'art, étudiants d'école du paysage, nos étudiants. Et je pense que c'est aussi très intéressant, comme vous le dites, de croiser les générations et peut-être aussi de renouveler sans cesse cette question du son, peut-être même de l'étendre. De les éveiller en quelque sorte, de stimuler en tout cas quelque chose qui... C'est vrai qu'en architecture, on parle souvent d'isolement, d'isolation, mais rarement de qualité sonore ou de... même d'ambiance. Oui, tout à fait. Sauf quelques écoles qui sont souvent issues du Cresson. Oui, c'est ça. Et nous, à l'école de la nature et du paysage, la question du son, c'est d'une part la question du vivant, parce qu'on a beaucoup de sciences du vivant à l'école, donc la question de l'ornithologie, de la géologie, de la botanique, etc. Évidemment, ça fait un peu partie de notre cœur de formation. Mais de plus en plus, on travaille aussi sur cette notion d'écoute. Effectivement, comment on fait pour écouter les autres? Comment on fait pour se mettre à l'écoute? Et ce n'est pas si facile, quand on est concepteur, d'intégrer les voix autres. Mmh. Et donc on fait un peu l'hypothèse que c'est une clé. La question du sonore, de l'audible, c'est aussi une clé pour décloisonner davantage et faire des paysagistes, aider les étudiants paysagistes à être les plus justes possibles dans les situations dans lesquelles ils vont être amenés à travailler après. Oui, et puis il y a cette idée dans l'écoute de porter attention à, exactement. De prendre soin, c'est exactement ça. Le care. Tout à fait ça, et on en a tellement besoin. Oui, aujourd'hui. Ouais, tout à fait. D'accord, et est-ce que ça va donner une, je sais pas, de nouvelles envies à l'école ou... Oui, j'espère. Alors déjà, le réseau. Oui, tout à fait, on aimerait beaucoup, hein. On aimerait continuer à travailler avec FKL, le Cresson et tous les gens qui ont envie de travailler avec nous. Déjà pour moi, en tant que directrice, de voir l'école vibrer comme ça, les salles de classe, les ateliers transformés avec des installations sonores, on entend derrière nous là, les différentes installations qui font bruisser l'école autrement, ça pour moi c'est essentiel. Une école du paysage, elle doit être ouverte à l'expérimentation, à l'ouverture aussi à d'autres publics. Bon, ça, moi, j'y tiens beaucoup, à l'ouverture de l'école sur la ville. Mais ça rejoint aussi des choses qu'on essaye de mettre en place. Par exemple, on a installé un studio radio depuis 2 ans à l'école, où les étudiants sont totalement autonomes dans l'usage de ce studio. Donc, ils réalisent des émissions de radio, mais qui sont diffusées sur une radio locale qui s'appelle Studio Zef. Mmh. Mais ça sert aussi à, par exemple, travailler des rendus. Au lieu de rendre des choses écrites, ils rendent des choses audibles. Et ça donne lieu à des créations extraordinaires. Donc, les étudiants sont finalement très à l'aise avec cet outil-là. Et donc j'espère que ce genre de... On a aussi des cours d'acoustique à l'école avec un monsieur formidable qui s'appelle Frédéric Fradet. Ah oui, Et donc en fait, il y a déjà plein de petites pistes qui sont là. Moi, je travaille beaucoup à travers d'entretiens radiophoniques pour travailler sur le projet de paysage ensuite. Donc j'ai l'impression qu'il y a plein de petites pistes qui ne demandent qu'à grandir et... Voilà, pour nous, c'est un peu comme un point d'orgue aujourd'hui pour oser aller plus loin, je crois, dans cette question sonore et celle de l'écoute, comme vous le disiez tout à l'heure. D'accord, et bien, longue vie à leur projet. Merci. Et merci. Merci beaucoup, Gilles. À bientôt. Merci, à bientôt.